Et un peuple qui est quand même majoritairement favorable à cette énergie, et même d'ailleurs à l'intérieur de son propre parti, les sondages donnent 41% de sympathisants des écologistes qui sont favorables à la construction de nouveaux réacteurs. Alors les écolos, c'est plus que c'était, mais Dominique Voynet, elle n'a pas bougé. C'était votre carte blanche Aurore, une anti-nucléaire nommée dans un comité sur le nucléaire. Benoît, une étape clé qui vient d'être franchie vers la généralisation du cannabis médical en France. Une première étape, le premier pas d'une première étape. Attention, en fait, il y a eu quoi aujourd'hui? Relancer le processus réglementaire pour légaliser le cannabis à usage thérapeutique en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Où en est-on? En fait, l'année dernière, il y a 1200 patients atteints de maladies chroniques graves, la sclérose en plaques par exemple, qui avaient eu le droit d'expérimenter cette antidouleur pour simplifier ce qu'aucun autre traitement jusque-là ne pouvait soulager. Sauf que fin décembre dernier, on leur a dit, bah, en fait, le cannabis c'est une drogue, c'est le mal, donc on va arrêter là, c'est fini, on réinterdit. Et ces gens-là, voilà trois mois qu'ils se retrouvent donc sans antidouleur, au point que certaines associations de patients qu'on a pu contacter nous ont dit que d'aucun est en train de planifier leur mort assistée en Belgique ou ailleurs, tellement leur douleur était insupportable. Il y avait au ministère de la Santé des pour, des contre, je vous la fais courte. Le ministre Yannick Jadot, qui est plutôt pour, a enfin dit que si on va préparer ces textes pour définir un cadre de production de ce cannabis médical uniquement, ce n'est pas fait, c'est pour ça que je prenais des pincettes, il faut encore que l'Union européenne valide ces textes réglementaires. En tout cas, ce qu'il a signé aujourd'hui, c'est la prolongation pour les patients qui bénéficiaient de l'étude en 2024, la prolongation de l'essai. Ils vont pouvoir s'y remettre sans risquer la prison jusqu'à la fin du mois seulement. Autorisation prolongée jusqu'au 31 mars, c'est pas grand-chose, mais en attendant mieux, c'est déjà ça. Je termine en disant qu'il y a aussi les investisseurs, on le voit dans les échos, qui attendent, qu'on commence à investir dans le cannabis médical, dans le Morbihan, à Angers ou ailleurs, des millions dans ces fermes à chanvre, et qui eux aussi attendent une position un peu plus claire que ces allers-retours permanents sur la question, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu pour l'industrie pharmaceutique également. On attend encore le tampon donc de l'Union européenne. Merci beaucoup à tous les trois de m'avoir accompagné pendant ces deux heures. Tout de suite, c'est le Déj Info présenté par Ashley Chevalier. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain, comme tous les jours, 10h midi. Bonne journée sur BFM TV. Souriez devant la météo avec Brit Hôtel. Regardez votre météo en toute tranquillité avec PayPal. Paiement en 4 fois sans frais sur vos sites préférés. La météo avec My Variation. Des brosses à dents à technologie Sonic recommandées par les dentistes, disponibles en pharmacie et sur myvariation.com. Bonjour à tous, c'est le premier jour du printemps sur le calendrier. Ça se vérifie sur ces images de Paris. Grand soleil, grande douceur, surtout la barre des 20 degrés qui devrait être franchie pour la première fois de l'année cet après-midi, avec une dizaine de jours d'avance sur le calendrier, puisque statistiquement, la barre des 20 degrés est franchie aux alentours du 30 mars sur la capitale. Donc soleil, grande douceur également dans le sud-ouest, où l'on devrait approcher les 22-23 degrés cet après-midi sur le Pays Basque. Attention toutefois, vigilance orange pour les très fortes rafales de vent sur le Tarn et la Haute-Garonne, des rafales de vent qui pourraient approcher les 100-110 km par heure aux portes de Toulouse et les 110 à 120 km par heure sur le Lauragais, le Pays Castrel, la Montagne Noire, avec toujours même bémol, ces entrées maritimes attendues sur le Languedoc-Roussillon et donc un ciel voilé dans les régions de l'ouest près de l'Atlantique. Partout ailleurs, ça sera du plein soleil. Les températures donc très élevées pour la saison. 20 degrés à Paris cet après-midi, 20 aussi à La Rochelle, 14 degrés à Montpellier sous les nuages, 22 pour Biarritz et puis profitez-en parce que demain, changement radical de temps dans l'ouest et dans le sud-ouest avec cette dégradation pluvio-orageuse. Encore beaucoup de vent demain matin sur la région toulousaine et puis ça sera plus ensoleillé et nettement plus doux dans les régions de l'est et du nord-est. Très belle journée. C'était la météo avec Brit Hôtel. C'était votre météo en toute tranquillité avec PayPal. Paiement en 4 fois sans frais sur vos sites préférés. C'était la météo avec My Variation. Des brosses à dents à technologie Sonic recommandées par les dentistes, disponibles en pharmacie et sur myvariation.com. C'était votre programme avec les campings Village 4 et 5 étoiles Omer. Omer. C'était Parlons Info avec le nouveau Skoda Elroq et sa recharge rapide. BFM Radio. BFM Radio. J'ouvre le mail, je lis le mail et la joie. Tu recevras 150 euros de crédit à 18 ans au lieu de 300. Bref, on s'est tous fait. La colère monte sur les réseaux après les annonces sur le pass culture. Le pass culture passe de 300 euros à 150 euros. Un décret signé par le Premier ministre François Bayrou et la ministre de la Culture Rachida Dati modifie les montants du pass culture dans le cadre de la loi finance 2025. Ok Macron, c'est à toi que je m'adresse. Faites, venez pas pleurer si les jeunes ne lisent plus, si vous les empêchez vous-même de lire. Depuis 2022, les 15-18 ans se voyaient verser 20 euros à 15 ans, 30 euros à 17 ans et 300 euros à 18 ans. À partir de ce mois de mars, le montant pour les 18 ans est divisé en deux, plus 20 euros pour les 17 ans et 0 pour les 15-16 ans. Le ministère de la Culture se justifie en expliquant que les 15-16 ans ont accès à un ensemble de propositions gratuites et d'événements culturels exclusifs valorisés sur l'application. La Cour des comptes a estimé fin 2024 que le dispositif avait manqué ses objectifs, combler les inégalités et rapprocher les jeunes de la culture. L'édito politique avec Mathieu Croissandeau. Les partenaires sociaux se réunissent de nouveau aujourd'hui, comme chaque jeudi, pour discuter donc des retraites. La CGT a annoncé, sans surprise hier soir, qu'elle n'irait pas, qu'elle claquait la porte du conclave. Qu'est-ce qui va se passer ? Et le conclave, c'est ça, faute de combattants, pourrait-on dire, en paraphrasant Corneille dans le Cid, histoire de citer les grands auteurs. Car la délégation paritaire permanente, c'est son nom, qui n'a plus grand-chose à voir avec l'ambition que François Bayrou avait affichée quand il l'a mise en place. Le conclave, tel qu'il est conçu, c'est terminé, a déclaré d'ailleurs hier sur notre antenne Maryse Léon, la secrétaire générale de la CFDT. Alors, il y a ceux qui sont partis, Force ouvrière dès le premier jour, la CGT, donc hier soir, après le refus de François Bayrou de revenir aux 62 ans. Côté patronal, l'UDP, il y a ceux qui restent et qui ne disent rien, comme le MEDEF, et puis il y a ceux qui espèrent encore se saisir de cette occasion pour faire avancer les choses sur les aspects les plus injustes de la réforme Borne, les carrières pénibles, la question des femmes, on en a souvent parlé, mais le cœur n'y est plus. Écoutez Marie-Lise Léon hier sur BFM TV. Moi, j'en ai assez d'avoir un peu le sentiment d'être un peu la seule adulte, en fait, dans la pièce. On a un gouvernement qui change les règles du jeu, des organisations qui décident de partir, un patronat qui reste mais qui boude dans son coin et qui ne fait aucune proposition. De la cour de récré, beaucoup l'avaient prédit dans la classe politique. Oui, je sais bien que la grande mode aujourd'hui, à droite comme à gauche, c'est d'ironiser a posteriori sur ce jeu de dupes en expliquant que François Bayrou n'en voulait pas, que les socialistes n'y croyaient pas, que les partenaires sociaux n'y arriveraient pas, de moquer comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon hier soir, tous ceux qui se sont fait rouler dans la farine. Mais c'est tellement facile, c'est tellement français de moquer ceux qui inlassablement donnent sa chance au dialogue dans un pays biberonné à la brutalisation des rapports sociaux et au sectarisme. C'est toujours le jeu du, vous savez, le tout ou rien qui se finit systématiquement par jamais tout, mais toujours rien. Mais du coup, Mathieu, qu'est-ce qui reste à négocier dans le cadre du conclave ? Alors, la CFDT prône un changement de méthode. Déjà, arrêter le conclave à la mode Bayrou et repartir avec de nouvelles règles en laissant les politiques dans la position d'observateur qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Tout sera sur la table, promet-elle, y compris la question de l'âge de départ. Ça a une chance d'aboutir, ça ? Alors, côté patronal, la CPME, l'organisation qui regroupe les petites entreprises, est ouverte au dialogue. Côté syndical, la CFTC, la CFE, CGC aussi. La balle, en fait, elle est dans le camp du MEDEF, qui ne dit rien pour l'instant, mais qui ne peut pas non plus balayer d'un revers de main toute discussion avec les centrales syndicales réformistes, celles avec lesquelles il est habitué à signer des accords sur tout un tas d'autres sujets. Et si un compromis était trouvé, alors il serait très difficile pour François Bayrou de s'asseoir dessus et de ne pas transposer cet accord dans la loi, ainsi qu'il s'y était engagé. La seule certitude, au fond, c'est que si rien n'aboutit, alors rien ne changera. La réforme Borne continuera de s'appliquer comme si de rien n'était. Et tous les gros malins qui dénoncent cette réforme à longueur de manif, mais qui pratiquent la politique de la chaise vide, tous les Français qui s'y étaient opposés en seront pour leurs frais. Merci Mathieu. Nouveau rebondissement dans l'affaire Émile. Les enquêteurs sont sur une nouvelle piste. Ils analysent un bac à fleurs récupéré dans la commune du Haut-Vernay la semaine dernière. Sur ce dernier, des traces suspectes. Un nouvel espoir pour enfin comprendre les circonstances de la mort de ce petit garçon disparu en juillet 2023, dont les ossements ont été retrouvés 9 mois plus tard. Valentin Révolier. D'éventuelles traces de sang retrouvé par les enquêteurs à quelques mètres du dernier endroit où a été aperçu Émile. Elles ont été découvertes sur une jardinière qui se trouvait ici, au pied de la chapelle du Haut-Vernay. Jardinière saisie dans la nuit de jeudi à vendredi, puis analysée par les enquêteurs de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, grâce à la technique Blue Star. Par chimie luminescente, il va révéler la présence d'éléments que l'on retrouve dans le sang. Et avec une lampe UV, c'est pour ça qu'on le fait dans la pénombre, une lampe UV, on voit cette luminescence ressortir et qui permet de savoir où est-ce qu'il peut y avoir des traces de sang. Pour l'heure, les analyses continuent, car cette technique peut avoir des failles, selon les experts. Et elle ne dit pas la nature du sang retrouvé. Ces traces sont-elles d'origine animale ou bien d'origine humaine? Si tel est le cas, eh bien les enquêteurs ils vont devoir tenter d'extraire un éventuel ADN et voir si cet ADN match avec les traces ADN qui avaient été retrouvées sur les ossements du petit Émile. Près d'un an après la découverte des ossements du jeune garçon, ce nouveau rebondissement relance l'espoir de connaître enfin la vérité sur ce qui est arrivé au petit Émile. BFM Radio. Ce pêcheur péruvien de 61 ans a été retrouvé vivant après avoir passé 95 jours en haute mer. Maximo Napa avait appareillé le 7 décembre dans le port de San Juan de Marcona, dans le sud du Pérou. Il avait préparé des vivres pour un voyage de 2 semaines. Sauf qu'une dizaine de jours après son départ, les mauvaises conditions météorologiques ont fait dévier son bateau. C'est là qu'il s'est retrouvé à la dérive dans l'océan Pacifique. Sa famille avait lancé des recherches et les patrouilles maritimes ont été mobilisées en vain. Plus de 3 mois après son départ, c'est un navire équatorien qui le repère mardi 11 mars. En train de dériver dans le nord du Pérou. Faute de nourriture, il a dû chasser pour survivre. Selon la marine péruvienne, Maximo Napa a pu quitter l'hôpital ce samedi. BFM Radio. Avec Fleuron Industrie, solution d'isolation thermique par l'extérieur, accessible à tous. Fleuronindustrie.com. Retrouvez votre rendez-vous avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Idéal Audition, vous allez adorer tout entendre. Votre programme avec l'adresse. Pour un projet avec l'adresse. Il est midi, c'est un plaisir de partager un nouveau déjeuner avec vous. La bande du Déj Info est là. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. À la une aujourd'hui, un Conseil européen à Bruxelles au goût d'Ukraine. Il sera notamment question d'économie de défense. L'un des objectifs, inciter les Européens à se regrouper pour passer des commandes communes en matière d'armement. Emmanuel Macron est sur place. Dans ce journal, l'expulsion de Doualem. Nouvel épisode, il a été interpellé ce matin à Montpellier en vue de son expulsion vers l'Algérie. Il a été conduit en centre de rétention administrative. La polémique autour d'un livre destiné à des élèves de CM2, la version de La Belle et la Bête, illustrée par Jules, ne sera finalement pas distribuée. On vous montrera les dessins qui posent problème à l'éducation nationale. Le dessinateur crie à la censure. Enfin, si vous voulez changer de forfait téléphonique, tendez l'oreille. Vous avez une chance sur deux de vous faire avoir si vous passez par un vendeur. Résultat d'une enquête UFC Que Choisir, ils vont vous proposer un forfait plus cher et pas adapté à vos besoins. Bon appétit, Monde Déj Info. BFM TV, le Déj Info. Ashley Chevalier. C'est la plus belle journée de la semaine. Avant de vous précipiter en terrasse, restez un peu avec nous sur le plateau du Déj Info. On a plein de choses à vous raconter. Gaëtan nous accompagne aujourd'hui. Conseil européen. On va aussi se tourner vers vous, Patrick. Néla Latrousse, comment ça va? Eh bien, ça va. Ça va. Ça fait du bien ce beau temps quand même. Ça fait beaucoup de bien et il fait beau en plateau. Mais il y a toujours une chaleur particulière sur le Déj Info. Marguerite, on vous retrouve à 14h30 pour répondre à toutes les questions des téléspectateurs. Qu'est-ce que vous nous préparez ? On prépare justement des questions sur les forfaits téléphoniques et puis on verra aussi comment ne pas se faire arnaquer et quel est le pays où on est le plus heureux au monde. C'est pas la France. on commence donc avec ce Conseil européen à Bruxelles. Il est une nouvelle fois question d'Ukraine aujourd'hui. Emmanuel Macron est sur place 2 semaines après la réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement. Ils se retrouvent pour concrétiser leur engagement. Marie Gintry, quel est l'objectif de ce conseil? Juste avant de vous parler des objectifs de ce conseil, il y en a deux grands objectifs. Juste pour vous préciser qu'Emmanuel Macron devrait arriver d'ici quelques minutes maintenant, hein, puisque son arrivée est attendue aux alentours de midi. En ce qui concerne les objectifs, eh bien, il y en a deux. Le premier, c'est vraiment un objectif sur le court terme. On pourrait même dire un objectif qui s'inscrit dans l'urgence. C'est ce qui concerne l'aide militaire à l'Ukraine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'a dit un petit peu plus tôt ce matin. Elle souhaite une paix durable en Ukraine et que l'Union européenne... concerne l'aide militaire à l'Ukraine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'a dit un petit peu plus tôt ce matin. Elle souhaite une paix durable en Ukraine et que l'Union européenne prenne son rôle dans cette paix durable en Ukraine. L'Union européenne donc qui s'est engagée à apporter 30 milliards d'euros en 2025 pour aider notamment à la reconstruction de l'Ukraine. D'ailleurs, le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky participera à ce conseil. Il n'est pas présent aujourd'hui, mais il participera par vidéo. Le deuxième objectif qui lui s'inscrit vraiment là plutôt sur la durée, qui s'inscrit dans le long terme, c'est la question de la défense européenne, de la souveraineté européenne. L'Union européenne qui va lancer son grand chantier de réarmement avec un objectif en tête, pouvoir se défendre seul d'ici 2030. Et pour cela, les 27 de l'UE vont bénéficier d'un outil qui s'appelle le Safe Security Action for Europe. C'est un outil de 150 milliards de dollars qui va permettre de produire des équipements militaires qui seront majoritairement fabriqués en Europe. Marie Gintrick avec Julien Apalou. Il va y avoir un échange, Patrick, avec Volodymyr Zelensky. Il n'est pas sur place cette fois-ci. Non, il n'est pas sur place. Il est un peu plus haut. Il est en Norvège aujourd'hui. La Norvège, qui est un pays européen, mais qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Et effectivement, au-delà de tous les objectifs fixés à l'agenda et qui ont été énumérés par Marie, il y a aussi le fait de débriefer la totalité des Européens. C'est sûr que le grand public s'y perd un petit peu dans tous ces coups de fil qui sont passés de part et d'autre, à la fois au niveau des chefs d'État et de gouvernement, mais aussi des conseillers diplomatiques. On a appris hier, où on a eu la confirmation, que ce qu'on appelle les Sherpas, c'est-à-dire les conseillers diplomatiques français, britanniques, allemands aussi, étaient en contact quasi quotidien avec le conseiller américain, avec les Ukrainiens également, mais il faut mettre au courant ceux qui n'ont pas forcément l'oreille des Américains ou des Ukrainiens. Donc c'est une façon de remettre tout le monde au même niveau d'information, parce qu'on n'est plus à simplement avoir des témoignages d'affection pour les Ukrainiens. Là, on a besoin de dire aussi à Volodymyr Zelensky, l'Europe est là et sera toujours là. Mais il est également question d'économie, Gaëtan, et notamment pousser les Européens à privilégier l'Europe et non pas les États-Unis pour les commandes en termes d'armement. Mais ce n'était pas déjà le cas ? Ah non, justement, ce n'était pas déjà le cas. Il y a de nombreux pays européens qui préfèrent l'armement américain plutôt que l'armement français. Et justement, c'est un peu cela que veulent aujourd'hui changer les Européens. Mais en ont-ils les moyens ? Est-ce que demain, l'Allemagne, qui, vous le savez, discussions très privilégiées avec les États-Unis, pourra négocier avec les Américains de l'acier si, de son côté, il refuse d'acheter des avions américains. C'est toute la question, finalement. On va voir comment Ursula von der Leyen arrive à sauver les apparences sur cette question. Il sera également question de droits de douane, de la riposte des Européens après la décision, vous vous en souvenez, de Donald Trump, d'augmenter les droits de douane de 200% sur les vins et champagne. On va voir comment, là encore, l'Union européenne réagit à cette menace de Donald Trump. Merci Gaëtan. Le financement de l'effort de défense est également au menu de discussions à Bercy aujourd'hui. Des investisseurs, des entreprises de défense réunies autour des ministres de l'économie et des armées. Il faut trouver 5 milliards d'euros pour monter en cadence. Où trouver l'argent ? On va vous inciter à investir. Écoutez. Comment, à un moment donné, les Françaises et les Français peuvent, de manière citoyenne, civique, se dire j'ai de l'argent de côté, donc volontaire, ça va sans dire, on ne redira jamais assez, Eric. Mais moi, j'ai envie, à un moment donné, de participer à l'aventure souveraineté et à la sécurité du pays. Au ministère, on n'a jamais reçu autant de courriers de nos compatriotes en disant comment on peut aider. Donc, c'est là où il ne faut pas qu'il y ait un biais cognitif mauvais. Le peuple français, la nation française est fondamentalement patriote. On va essayer de parler très concrètement, Gaëtan. Les Français vont pouvoir devenir actionnaires des entreprises de défense ? Comment ça fonctionne ? En fait, d'abord, la première des choses, c'est que ça va être sur la base du volontariat. Souvenez-vous, ces dernières semaines, on a beaucoup... On va pas vous obliger. C'est dit vraiment avec... beaucoup d'importance, parce que ces dernières semaines, on a beaucoup évoqué les 600 milliards d'épargne réglementée des ménages, les livrets A, les LDDS. Donc là, en fait, ce que nous dit aujourd'hui le ministre de l'économie, Éric Lombard, voir, c'est que la BPI, la Banque publique d'investissement, va créer un fonds à hauteur de 450 millions d'euros et que vous pourrez alimenter ce fonds si vous en avez le désir. Ça se fera donc sur la base du volontariat. Vous pourrez le faire de façon directe en l'alimentant vous-même ou bien vous pourrez passer par votre assurance vie. Vous pourrez demander à votre gestionnaire de fonds de le faire pour vous. On rappelle que s'il faudra placer cet argent pendant au minimum 5 ans, que le taux sera variable, ce qui veut dire que vraisemblablement sera un taux supérieur à celui du livret A aujourd'hui. Et puis, encore une fois, il y aura aussi les banques qui sont invités à créer leur propre fonds. Parce que là, le fonds dont parle le ministre de l'Économie, 450 millions d'euros, soyons clairs, c'est très largement insuffisant. On a dit les besoins des 400 000 entreprises de la défense, c'est 5 milliards d'euros. Donc 450 millions par rapport à 5 milliards d'euros, c'est vraiment une goutte d'eau. Il va véritablement falloir que le secteur bancaire joue le jeu de son côté. Merci Gaëtan. Il est 12h07, l'influenceur algérien Doualem a été interpellé ce matin à Montpellier en vue de son expulsion vers l'Algérie. Doualem avait fait l'objet d'une OQTF pour des appels au meurtre d'opposants algériens. Au mois de janvier, son expulsion ratée avait envenimé les relations déjà tendues entre Paris et Alger. Maxime Brandstetter, pourquoi a-t-il été à nouveau arrêté aujourd'hui ? Eh bien parce qu'il y a un nouvel arrêté du ministre de l'Intérieur qui prononce une nouvelle expulsion de l'influenceur Doualem. Alors ça paraît un petit peu compliqué comme ça, mais pour résumer simplement, vous vous souvenez, en janvier dernier, il y a plusieurs influenceurs qui sont arrêtés, des influenceurs algériens, dont Doualem parce qu'il parlait dans des vidéos, il appelait à infliger une punition sévère à un opposant au régime algérien. Il a d'ailleurs été condamné pour ça, hein, 5 mois de prison avec sursis. Et donc, suite à cet événement, le ministre intérieur Bruno Retailleau prend un arrêté d'expulsion en urgence. L'influenceur Doualem est arrêté, il va dans un centre de rétention administrative, sauf que ses avocats attaquent l'arrêté et le tribunal administratif dit non, cet arrêté il est illégitime parce qu'il n'y avait pas de nécessité d'urgence, donc il faut refaire une procédure normale. C'est ce qui s'est passé depuis. Doualem, il a été libéré en attendant, son cas a été réexaminé, il est passé devant une commission de magistrats qui a dit oui, nous on valide le fait qu'il doit être expulsé. Donc le ministère intérieur a repris un nouvel arrêté d'expulsion. Et les policiers sont venus le chercher ce matin au domicile de sa fille à Montpellier où il vivait. Ça c'est la procédure qui est souvent complexe. Il va vraiment être expulsé cette fois-ci ? Alors ça c'est la question. Ce qui est sûr c'est que l'intention de l'État français, en l'occurrence du ministre de l'Intérieur, elle est là. Mais le problème c'est l'intention de l'Algérie de le recevoir est-elle là ? Pour vous rappeler, la première fois qu'il a été expulsé, il a fait le voyage. Hein. Il est allé jusqu'en Algérie en avion avec les policiers français. Il avait son passeport sur lui. Et l'Algérie, elle l'a refusé. Retour à l'envoyeur. À l'époque, ils ont expliqué qu'il avait une interdiction de territoire. Normalement, quand on a un passeport d'un pays, on ne peut pas vous refuser à la frontière. Donc déjà, ça avait beaucoup étonné à l'époque. Là, on va recommencer. Dans quelles conditions ? Déjà, ce passeport, est-ce qu'il l'a toujours ? Parce que s'il n'a pas de passeport, il faut demander un laissez-passer consulaire, une autorisation de l'État algérien. Là, ça va être plus compliqué. Bref, c'est pas dit que cette fois, cette expulsion, même si elle a lieu, même si elle est faite dans les règles du droit français, elle soit dans les règles de l'État algérien. Le feuilleton Doualem n'est pas terminé. Merci Maxime Brandstetter. Le dessinateur Jules parle de censure aujourd'hui. Sa version illustrée de La Belle et la Bête ne sera finalement pas imprimée. Décision de l'Éducation nationale. En fait, cet ouvrage devait être distribué à des élèves de CM2 dans le cadre de l'opération Un livre pour les vacances. La version de Jules ne serait pas adaptée à des enfants de cet âge. Fanny Regnault avec Elisa Tranon. Les enfants de CM2 ne feuilletteront finalement pas la version modernisée de La Belle et la Bête. En tout cas, pas dans le cadre d'un cadeau fait par l'Éducation nationale. La commande du ministère a été annulée in extremis. Les 800 exemplaires devaient être imprimés très prochainement pour être offerts aux élèves avant l'été, comme le prévoit depuis 2018 l'opération Un livre pour les vacances. Ce ne sera donc pas le cas. Le livre a été jugé inadapté par l'Éducation nationale. Moi, je ne suis pas sûr, vous voyez, que ce soit forcément compréhensible que le père de la belle soit un monsieur algérien, qu'on voit dans des scènes où il est totalement ivre, qui par ailleurs fait de la contrefaçon, est arrêté par des policiers. Pour décoder le second degré et l'ironie, ça peut être très intéressant, mais dans les mains d'élèves de 10 ans non accompagnés. Je pense que ça n'était pas ce qu'on cherchait. Le dessinateur Jules, de son vrai nom Julien Bergeau, affirme être victime de censure. Il dénonce une décision politique et raciste. La Belle est un petit peu plus méditerranéenne. Elle a une tête d'italienne, elle a une tête de grecque, elle a une tête de libanaise. Elle ressemble à la France d'aujourd'hui. 800 à 900 000 exemplaires d'un livre censuré. C'est la plus grosse censure de l'histoire de l'édition en France. Le ministère aurait pourtant déjà alerté le dessinateur dès le mois de décembre pour lui demander de changer certains dessins. Le livre ne correspondait définitivement pas à la demande, selon la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Il y a un ministère dont la fonction est justement de déterminer ce qui convient ou pas aux élèves. On parle par exemple des programmes. Eh ben, ça me semble pas choquant que le ministère, si ça ne correspond pas à leur demande, qu'il décide de ne pas le faire. Mais que les parents se rassurent, leurs enfants auront bien leur livre offert par l'Éducation nationale avant l'été. Il s'agira du même que l'année dernière. Une édition beaucoup plus classique de l'Odyssée d'Homère. Ça aussi, Gaëtane, c'est un sujet qui vous concerne. La réunion des syndicats et du patronat sur les retraites. Les discussions doivent reprendre à 14h. Seulement, il y a de moins en moins de personnes autour de la table. Dernière organisation à avoir claqué la porte, la CGT. Dans ces conditions, à quoi bon continuer ? Bettina de Guglielmo avec Guillaume Barqui et Nicolas De Rossi. Après le syndicat FO et l'UDP, c'est désormais la CGT qui claque la porte. Le Premier ministre s'était engagé à ce que ces discussions soient sans totem ni tabou. Et il nous a dit ce week-end qu'il y avait un tabou, les 62 ans. Or, les 62 ans, c'est la question centrale. De son côté, la CFDT sera bien présente aujourd'hui, mais souhaite tout reprendre à zéro. Alors que reste-t-il à négocier ? Le MEDEF garde en ligne de mire la volonté du Premier ministre. Un mot d'ordre, l'équilibre financier. C'est au nom de l'équilibre financier du régime que l'on va assurer sa pérennité dans le temps pour les années qui viennent. Si les négociations s'arrêtent, la CFTC prévient que cela engendrera l'application de la réforme Borne. Ça serait une catastrophe. Vous avez le sujet de la pénibilité. Vous avez la question de l'égalité salariale femmes-hommes. Vous avez les droits familiaux. Vous avez les carrières longues. Donc tous ces sujets méritent que la concertation continue. Les négociations se poursuivent aujourd'hui dans le flou. Selon un sondage Elab pour BFM TV, 67% des Français plaident pour une remise à plat avec la mise en place de la retraite à points. C'est le début aujourd'hui des auditions par la commission parlementaire sur le contrôle des établissements scolaires. Et ça commence par le représentant des victimes de Betarame, l'établissement par lequel le scandale est arrivé. Ils ont tous été des agresseurs d'enfants. Est-ce que le critère de recrutement à Betarame, c'était d'agresser les enfants sexuellement ? Et quand je parle d'agression, c'est pas seulement des attouchements, c'est aussi des viols. Et on a une responsabilité tous face à cette ignominie de ce type d'établissement qui a perduré pendant des décennies. François Bayrou sera lui aussi auditionné courant mai. Il était ministre de l'Éducation nationale à la fin des années 90 et plusieurs témoignages affirment qu'il avait été mis au courant des violences à l'époque, ce que le Premier ministre nie. L'affaire Betarame et l'ouverture de cette commission a provoqué depuis plusieurs semaines une réaction en chaîne. La parole des anciens élèves d'établissements privés catholiques se libère. D'autres témoignages, d'autres plaintes pour des faits similaires. Le cas de Notre-Dame de Garaison dans les Hautes-Pyrénées en est un exemple. Cassandre Brault. 5 ans après avoir quitté Notre-Dame de Garaison, Tom se souvient encore de chaque hurlement, de chaque coup encaissé depuis le collège. Des violences perpétrées selon lui par différents surveillants, mais aussi par le directeur de l'établissement, toujours en poste aujourd'hui. C'était celui qui était le plus cruel et dont on avait le plus peur. On était tous en ligne dans son bureau. Et soit il frappait, soit il intimidait et menaçait. C'était de la pure cruauté humaine en fait. Dans une plainte qu'il s'apprête à déposer, l'ancien élève décrit un véritable système répressif. Il nous disait très clairement, mais vas-y, va porter plainte, vas-y, va voir tes parents. Et tu verras ce qui se passe quand ils sont partis. Du coup, en fait, on avait juste peur de la représailles. Donc on ne le faisait pas. Et c'est pour ça que ça a duré pendant des années et que ça dure encore. Une emprise totale dont témoigne aussi Jeanne, ancienne professeure qui a quitté l'établissement il n'y a que quelques mois. Les 3 dernières années, ça me bouffait. Hein. J'étais en train de crever. Hein. Je pleurais tout le temps. Et que j'aurais dû le dire. Et que maintenant, il faut que ça s'arrête. Des accusations fermement démenties par le porte-parole de l'établissement, Jean-Christophe Gisbert. Parole contre parole, on a de sérieux doutes quant à la véracité des témoignages. S'agissant du directeur, il est fidèle au projet pédagogique de l'établissement, la bienveillance et la fermeté. D'après nos informations, une vingtaine de nouvelles plaintes visant l'établissement devraient être déposées d'ici la semaine prochaine. Je voulais également vous parler de cette enquête de l'UFC Que Choisir sur les vendeurs de téléphonie mobile. Si vous les écoutez, en fait, vous avez une chance sur deux de vous faire avoir parce qu'ils vont vous vendre un forfait plus cher, pas adapté à vos besoins, pas forcément pour le plaisir, hein, mais parce qu'ils sont rémunérés à la com. Théo Bassilana avec Fantine Danzer. Nous avons décidé d'aller vérifier par nous-mêmes. Direction la boutique d'une célèbre enseigne de téléphonie. Le vendeur va-t-il me proposer un forfait mobile adapté à ce que je désire ? J'ai pas besoin de beaucoup de gigas. Okay. Voilà, parce que c'est pour un deuxième téléphone, donc juste avoir un petit peu une offre. Moi j'ai un forfait à 15€ par mois, appel SMS illimité, 5 gigas d'internet, c'est le basique que j'ai. Le vendeur m'assure que c'est l'offre la plus avantageuse que je puisse obtenir. Pourtant, après seulement quelques clics sur le site internet, je tombe sur ce forfait mobile. 20% moins cher, avec pourtant 4 fois plus de gigas d'internet. Tous les vendeurs en téléphonie, ils ont une part de leur rémunération qui est variable en fonction d'objectifs qu'on leur astreint tous les mois. Et on leur met la pression pour qu'ils atteignent ces objectifs. Et au final, bah, c'est le consommateur qui se fait avoir parce qu'il est incité à aller vers des forfaits qui ne leur convient pas. Les seniors sont particulièrement visés par ces méthodes commerciales. Mais la Fédération des télécoms assure qu'il n'y a rien de choquant dans ces pratiques. Mon constat est très simple, c'est que la plupart des commerciaux dans la plupart des industries sont rémunérés, en tout cas sur leur part variable, en fonction des ventes qu'ils réalisent, et c'est très logique. Un conseil avant de vous rendre en magasin, vérifiez toutes les offres sur leur site internet pour être sûr de souscrire un abonnement adapté à vos besoins. Restez avec nous dans un instant. Nous vous montrerons les images qui posent problème à l'éducation nationale. La version de La Belle et la Bête illustrée par Jules ne sera finalement pas distribuée aux élèves de CM2. Cette version n'est pas adaptée aux enfants de cet âge-là. On vous explique tout dans un instant. Midi 15h, le Déjinfo. Ashley Chevalier sur BFM Radio. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron, en ce moment, Lidl fait moins 50% sur le deuxième produit, sur une sélection de chocolat de Pâques Favorina. Moins 50% sur le deuxième ? Eh oui, par exemple pour le lapin de Pâques en chocolat, le deuxième est à 99 centimes. Eh ben on est mal. Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidlestmoinschers.fr. 1,99€ le produit seul, 14,90€ le kilo pour deux. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. BFM Radio. 8 nouveaux émojis vont faire leur arrivée sur votre iPhone et on vous explique comment ils sont choisis. Un visage avec des cernes sous les yeux, une empreinte digitale, une tache de peinture, un navet et 4 autres s'ajoutent aux plus de 3600 émojis déjà présents sur iPhone. Représentants des grandes entreprises de la tech, ingénieurs et linguistes se réunissent depuis 25 ans sous le nom de Consortium Unicode. Cette association tranche entre ceux qui restent et ceux qui partent. Tout le monde peut y aller de sa proposition. Plusieurs associations ont obtenu des visages avec différentes couleurs de peau ou l'émoji d'une femme voilée proposée par une lycéenne. Mais pour convaincre le consortium Unicode, il faut être patient. Il faut prouver que le dessin est populaire sur Internet et donc qu'il sera utilisé. L'émoji doit également avoir plusieurs significations, comme la pêche et l'aubergine, qui maintenant sous-entendent du contenu sexuel. Les logos des marques sont interdits, votre émoji doit être unique. L'émoji crêpe a donc été refusé, jugé trop ressemblant avec l'icône pancake. Si vous remplissez toutes ces conditions, votre dessin pourra être ajouté au catalogue. Il peut s'écouler plus de 2 ans entre votre proposition et son utilisation par le grand public. Culturez-vous avec Lorraine de Susbiel. Il y a aussi un autre endroit où on peut s'énerver, c'est avec sa manette, en train de jouer aux jeux vidéo. On en entend des insultes hein, dans ces cas-là. Bon, il y a un gros enjeu aujourd'hui, c'est la sortie d'Assassin's Creed, le célèbre jeu vidéo, nouvel opus qui s'appelle Shadows. Oui, c'est ça. C'est un événement. C'est un événement, pourquoi ? Bah oui, parce que c'est l'un des jeux les plus attendus de l'année par des fans du monde entier. C'est le 14e volet. Et cette fois, vous le voyez sur l'affiche derrière moi, ça nous plonge dans le Japon du 16e siècle. C'est vraiment un décor que les fans attendaient depuis des années. Et bah, du coup, c'était assez logique. C'était une évidence un peu pour Ubisoft d'y aller. 40 millions de vues. Rien que pour la bande-annonce, ça vous donne une idée de l'attente autour de ce jeu. Alors là, on est autour de deux protagonistes. Naoe, c'est Yasuke, un samouraï légendaire. Vous allez voir, les images de la bande-annonce sont impressionnantes. Tu es comme une grenouille dans un puits qui n'a jamais vu la mer. Les océans se remplissent de nouveaux navires, mais tous proviennent de la même rivière. Avarice. Vengeance. Quand on voit ça, c'est quand même. C'est un film. Ça ressemble à un film. C'est incroyable. Vous avez vu, on est plongé dans ce Japon avec les villes fortifiées, les temples, comme vous voyez là, majestueux. Wow. En fait, tu as raison, Pauline. C'est comparable à la sortie d'un film à gros budget, à un blockbuster. Et ça fait 5 ans que les studios Ubisoft bossent dessus. Il y a eu 15 studios Ubisoft dans le monde qui s'y sont mis. Il y a plus de 1000 salariés. Ça allait jusqu'à 1000 salariés qui travaillaient en même temps sur le jeu. C'est un budget. Ubisoft est très secret, mais on parle d'une centaine de millions d'euros de budget et une dizaine d'experts, d'historiens, notamment français et japonais, qui ont bossé sur le Japon féodal pour coller au plus près de la réalité historique et éviter les clichés, éviter aussi les anachronismes. On est immergé dans le jeu, c'est incomparable. Notamment, il y a un système de saisonnalité. C'est ce que a raconté Leslie Capillon, qui est responsable de la publicité chez Ubisoft, à Jean-Marie Marchaud. Un exemple, pendant la période hivernale, les joueurs vont pouvoir traverser les lacs gelés en faisant attention à ne pas glisser. Mais ils vont aussi pouvoir, par exemple, utiliser les stalactites pour faire diversion auprès des ennemis, ou le bruit du vent peut jouer sur la détection. Mais c'est dingue, c'est selon le moment de l'année. Tout à fait. Où tu joues au jeu. C'est-à-dire que si même, c'est ce qu'elle nous incroyable. Explique, c'est que s'il y a du vent, tu vas moins entendre les ennemis. Donc vraiment, ça d'accord. veut dire que tu t'adaptes aussi aux saisons dans le jeu. Donc images et sons très soignés. Sortie sous haute tension, pourquoi? C'est le jeu de la dernière chance, en fait. Ubisoft de sauver sa peau avec cet opus. Ils ont enchaîné les difficultés depuis des années, notamment ils ont lancé des jeux qui n'ont pas forcément bien marché. Donc voilà, c'est un enjeu vital pour Ubisoft. On écoute un économiste justement spécialiste du jeu vidéo. L'action d'Ubisoft est très basse. Dans son catalogue de jeux, un certain nombre de titres n'ont pas rencontré le succès escompté. On attend beaucoup de ce jeu. Il suffit d'un succès conséquent pour que l'action remonte. Voilà, alors le prix du jeu, c'est à peu près 55 euros. Il y en a qui ont pu le tester. Il a été plutôt bien reçu par les critiques. Il y a une note globalement favorable de 81 sur 100. Mais quand on voit les jeux qui cartonnent comme Fortnite ou Call of Duty avec les gamers qui peuvent jouer mais aussi discuter entre amis, on se dit qu'un bon jeu, ça ne suffit pas. Des bonnes notes ne suffisent pas. Il faut que les joueurs adhèrent. Et, il y a une communauté énorme dans le monde. Mais on va voir justement s'ils vont adhérer à ce jeu. Je vous renvoie aussi vers les articles de Tech & Co. C'est Melinda Davansuelas qui le teste pour nous depuis quelques jours et avec des articles très complets sur la question. Et c'est à retrouver sur bfmtv.com. Bien alors. Sûr. Merci beaucoup, Lorraine. BFM Radio. Le maire d'Istanbul et principal opposant à Erdogan a été arrêté. Ekrem İmamoğlu a été interpellé ce mercredi 19 mars. Son parti, le CHP, dénonce un coup d'État contre l'opposition. Une centaine de collaborateurs, d'élus et membres du parti ont également été arrêtés. Le maire, qui croule déjà sous les procédures judiciaires, est accusé cette fois de corruption et de terrorisme. D'après un de ses collaborateurs, l'édile de 53 ans a été emmené dans les locaux de la police. Dans une vidéo postée sur X, Ekrem İmamoğlu dénonce la fouille de son domicile. Tous les rassemblements et manifestations ont été interdits jusqu'à dimanche par le gouverneur d'Istanbul. Ekrem İmamoğlu est seul en lice pour représenter son parti à la prochaine présidentielle prévue en 2028. Il devait être officiellement désigné ce dimanche au cours d'une primaire au sein du CHP. Le maire d'Istanbul est visé par 5 autres procédures judiciaires, dont 2 ont été ouvertes en janvier. En 2023, il avait d'ailleurs été empêché de facto de se présenter à la présidence en raison d'une condamnation en suspens pour insulte à des responsables du comité électoral turc. Opposant véhément au président Recep Tayyip Erdogan, Ekrem İmamoğlu a dénoncé fin janvier le harcèlement de la justice à son encontre. BFM Radio. rendez-vous avec Fleuron Industrie, solution d'isolation thermique par l'extérieur, accessible à tous. Fleuronindustrie.com. Retrouvez votre rendez-vous avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Idéal Audition, vous allez adorer tout entendre. Est-ce que vous venez à votre programme avec l'adresse. Pour un projet avec l'adresse. Souriez devant la météo avec Brit Hôtel. Regardez votre météo en toute tranquillité avec PayPal. Paiement en 4 fois sans frais sur vos sites préférés. La météo avec MyVariation. Des brosses à dents à technologie sonique recommandées par les dentistes, disponibles en pharmacie et sur myvariation.com. La météo avec Sandra, c'est la plus belle journée de la semaine. Ce sera en effet une très très belle journée ensoleillée et on va pouvoir tout de suite le constater avec cette image du côté d'Orléans dans le Loiret, du grand soleil. Aucun nuage à l'horizon et une température de 20 degrés attendue cet après-midi. On va voir comment tout cela va évoluer. Alors on a quelques bémols hein, malheureusement, évidemment, puisqu'on a cette vigilance orange en raison de ces vents qui vont souffler très fort. Alors ils sont déjà en place, hein, on parle du vent de secteur sud, le vent d'OTAN également, qui devrait se renforcer dans le courant de la soirée sur le Tarn, la Haute-Garonne et également sur les départements limitrophes évidemment. Le tout en relation avec cette dépression qu'on voit très bien ici, prénommée Martinho au large du Portugal, associée à une goutte froide qui va la rendre encore plus dynamique. Eh bien on va avoir ces vents qui vont se renforcer très fort dans le courant de la soirée aux alentours de 21h jusqu'à 16h demain. On aura quelques pluies dans le courant de l'après-midi, pour le moment ça reste sec mais les vents vont souffler très fort en effet. Les plus fortes rafales sur la montagne Noir, le Lauragais, également du côté de Castres, on attend des rafales jusqu'à 120 km/h. On surveillera aussi les départements côtiers avec peut-être quelques problèmes de submersion. Donc la situation sous surveillance pour ces prochaines heures côté température. C'est toujours le printemps, regardez ces valeurs et ce n'est pas fini puisqu'elles devraient encore progresser demain. On est dans des valeurs vraiment très nettement supérieures au normal, comprises entre 14 et 22 degrés. Le plus souvent, on est dans des valeurs à deux chiffres et on frôle ou on dépasse les 20 degrés sur de nombreuses régions. Un coup d'œil pour la journée de demain. Je ne sais pas s'il fallait vraiment vous montrer cette carte. Vous le voyez, ça commence à se dégrader par l'ouest. On a aussi ce ciel qui va s'opacifier partout puisque dans ce puissant flux de secteur sud, on a eh bien, de la poussière du Sahara qui va remonter. Donc sur l'ensemble du pays, ça devient très instable. La zone de pluie orageuse va gagner du terrain dans le courant de l'après-midi. À l'arrière, c'est un ciel de traîne, mais on retrouvera sur les côtes landaises de très belles éclaircies. Qui se maintiennent, de la neige à nouveau sur le relief des Pyrénées. Vos températures, alors en attendant, demain sera encore une journée très douce, peut-être probablement même la plus douce. Regardez, les valeurs seront en hausse au réveil. On attend 11 degrés à Paris et dans le courant de l'après-midi, 22 degrés à Paris. Si bien qu'on sera 9 degrés au-dessus des normales de saison. Profitez, ça va changer ensuite. C'était la météo avec Brit Hôtel. C'était votre météo en toute tranquillité avec PayPal. Paiement en 4 fois sans frais sur vos sites préférés. C'était la météo avec MyVariation. Des brosses à dents à technologie sonique recommandées par les dentistes, disponibles en pharmacie et sur myvariation.com. Il est bientôt midi et demi. À la une de votre Déj Info, la polémique autour d'un livre destiné à des élèves de CM2. La version de La Belle et la Bête, illustrée par Jules, ne sera finalement pas distribuée. On vous montrera les dessins qui posent problème à l'Éducation nationale. Le dessinateur crie à la censure. Un conseil européen à Bruxelles au bout d'Ukraine. Il sera notamment question d'économie de la défense. L'un des objectifs, inciter les Européens à se regrouper pour passer des commandes commune en matière d'armement. Et puis la lutte contre la fraude à l'assurance maladie, 628 millions d'euros de préjudice détectés et stoppés l'an dernier, un chiffre en hausse de 35%. La fraude aux fausses ordonnances est la plus répandue. Les élèves de CM2 ne liront pas La Belle et la Bête pendant les vacances. La version illustrée par Jules, initialement commandée par l'Éducation nationale, ne sera pas imprimée. Le livre n'est pas adapté à des élèves de 10 ans, dit Elisabeth Borne. On va vous expliquer dans un instant ce qui pose problème. Mais d'abord, on écoute le dessinateur. Le livre a été trappé réellement. C'est-à-dire que techniquement, si on s'en tient à l'aspect numérique, 800 à 900 000 exemplaires d'un livre censuré. C'est la plus grosse censure de l'histoire de l'édition en France. C'est ça qui est absolument délirant. Il devait rentrer dans tous les foyers de France et